Le respecté maréchal Kim Jong-un a reçu le présent de la part de la délégation de la Direction générale de l'information et de la presse, de la radio, du cinéma et de la télévision d'État de Chine et du directeur exécutif du programme pour la vulgarisation de l'enseignement sur l'environnement, venu pour la 10e exposition internationale de livres scientifiques et techniques de Pyongyang. Ils les ont remis à un fonctionnaire intéressé. Par ailleurs, l'annexe de l'Extrême-Orient de l'Académie de Russie et l'Association de liaison pour l'amitié internationale de Chine ont fait parvenir des présents aux camarades Kim Jong-un.